Je la croisais l'autre soir. C'était à minuit rue d'Athènes. La voyant seule qui se promène, je lui dis mon enfant bonsoir. J'ajoutais à cette heure indue, que faites-vous donc dans la rue? Naïvement et sans savoir, elle dit je fais le trottoir. C'est une gamine charmante, charmante, charmante, qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie. Devant la blancheur et l'éclat de son cou plus blanc que l'albâtre, je lui dis quel coup de théâtre, quel coup du ciel, quel coup d'état. Oh, fit-elle d'un petit air honnête, vous ne connaissez que mon coup de tête, mais vous serez chippé, je le crains, quand vous connaîtrez mon coup de rein. Oh, c'est une gamine charmante, charmante, charmante, qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie. Quand on parle du loup, on en voit la... Qu'est-ce que j'allais dire? Aspasie, bonjour. Il n'y a pas besoin de mettre les points sur les i. Je préférerais y mettre les mains sur les y. Si l'intérieur du plumage répond à ce que j'en vois, vous êtes une maîtresse petite femme, comme moi je suis un grand homme. Qu'avez-vous à répondre à cela? C'est une belle petite historiette.